The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Here. Ici. The locker room. Les vestiaires. Sure. Sûr. But. Mais. To think. Croire. To open. Ouvrir. Door. La porte. Sorry. Désolé. Now, a bit faster. Sorry. Désolé. But. Mais. Door. La porte. Sure. Sûr. The locker room. Les vestiaires. To open. Ouvrir. Here. Ici. To think. Croire. Now, use the words in context. Ici. I'm here. Je suis ici. Ici. They're not here. Elle ne se trouve pas ici. Ici. Does he come here often? Il vient souvent ici. Sûr. She's sure. Elle est sûre. Sûre. They're not sure they'll win. Ils ne sont pas sûrs de gagner. Sûr. Are you sure about your choice? Tu es sûr de ton choix? I'm looking for the cloakroom. Je cherche le vestiaire. We don't know where the locker room is. Nous ne savons pas où se trouvent les vestiaires. Where's the cloakroom? Où est le vestiaire? La porte. The door is closed. La porte est fermée. La porte. It's not the right door. Ce n'est pas la bonne porte. La porte. Is the door open? La porte est ouverte. Ouvrir. That key opens the door of the girls' locker room. Cette clé ouvre la porte des vestiaires des filles. Ouvrir. Never open the door to a stranger. Tu n'ouvres jamais la porte à un inconnu. Ouvrir. I'm opening the window, it's too hot. J'ouvre la fenêtre. Il fait trop chaud.